n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta soeur. Ta mère ne le sait pas. Oh papa, quel malheur pour moi. Oh papa, quel scandale si maman savait ça. 2 ans passaient, puis le garçon un soir vint trouver son père et lui dit plein d'espoir. La maîtresse d'école veut bien m'épouser, mais le pauvre père prit d'un air accablé. Et ta mère ne sait pas. Que lástima. ¡Sabroso! Bye.